Voici votre butin régional. Arthur l'Aventurier offrira son spectacle pour les enfants à la salle Guy Veilleux de Cours-Chériton le 11 avril dès 14h. À 20h le 11 avril, l'auteur-compositeur-interprète François Lachance se produira sur la scène du Centre culturel de Weedon. Du 12 au 18 avril, on souligne la semaine de l'action bénévole à Istinguis. Une formation ISMR, Initiative sportive en milieu rural, aura lieu le dimanche 12 avril de 9 à 16h au Centre communautaire de Dodgewell. Cette formation s'adresse aux ados de la MRC du Haut-Saint-François. La formation est gratuite pour les participants. Un transport est également fourni en cas de besoin. Il suffit de le mentionner lors de l'inscription. Les participants doivent apporter leur lunch, collation et vêtements de sport. Pour inscription, contactez Animation Jeunesse du Haut-Saint-François au 819-943-4571 ou à ajeunesse.hsf@live.ca. Rencontre Activité Femmes d'ici de la FEAS de Istinguis le 13 avril à 19h30 au sous-sol de l'église Saint-Louis de France. Sujet À vos papiers par Madame Christelle Rivard de l'ACEF. Bienvenue à toutes les femmes, membres et amis. Téléphone 819-832-2656. Début des cours d'aquaforme le 13 avril à la piscine du manoir de l'Eau-Vive à Courchir. Les cours s'étendent sur 8 semaines. Tarif 96 $ pour 8 cours, 160 $ pour 16. Information auprès d'Emmanuel La Liberté au 819-875-1024 ou par courriel manulaliberté@hotmail.com. Inscription à l'hôtel de ville de Courchir au 819-560-8585. Poste 2311.